Bonjour. Nous sommes le 23 septembre et aujourd'hui nous célébrons plusieurs choses à la fois. Premièrement, on célèbre un mois de marche à pied puisqu'on est parti le 23 août de Santiago. Déjà un mois, on ne l'avait pas vu passer et on a vu beaucoup de choses intéressantes. On a passé hier soir aussi sans s'en rendre compte en se déchaussant pour passer une petite rivière qui débouche dans la mer. On est passé d'une région à l'autre. On l'a pris ensuite avec la dame chez qui on a demandé l'autorisation pour camper, qui nous a expliqué que cette rivière de Trehualemu s'appelle. Elle limite donc la 7e et la 8e région. Et aujourd'hui, on devrait aussi, d'ici une vingtaine de kilomètres, célébrer nos 500 kilomètres. Donc, pour ces trois raisons-là, on est content et on voulait vous partager avec vous ce moment-là. On est sur les traces d'un itinéraire qu'on a fait avec maman il y a un an et demi à peu près, avant le tremblement de terre en février 2009, et on se rend compte que et on, ben on se souvient de pas grand chose, qu'on est passé assez rapidement en voiture. Seulement, on s'est souvenu de quelques points où on s'était arrêté pour prendre des photos, notamment un mirador à côté d'un viaduc, un endroit où il y a des vieilles maisons, des vieilles bâtisses qui s'appelle Trehualemu, qui est très joli. Et donc on vérifie le dicton selon lequel la tortue connaît bien mieux le chemin que le lièvre. On a trouvé ça un peu il y a une semaine ou deux au bord de la route, un panneau qui disait ça en espagnol. Voilà, donc je vous laisse avec Viviane maintenant en espagnol, pour ceux qui ne comprennent pas le français. Et on espère que tout le monde va bien et avoir de vos nouvelles dans nos prochains mails. Voilà, à bientôt.